Allô Brazzaville, allô Jacques Alexandre. Allô André Sénarié, je vous parle de Brazzaville, je vous entends. Oui, nous avons appris alors par l'agence France Presse ce matin que vous-même ainsi que Jean Toraval de l'agence France Presse aviez été arrêté ces jours derniers alors que vous effectuiez un reportage à Tisville. Quand cela s'est-il passé? Eh bien écoutez, vous avez appris à la fin de la semaine que les rumeurs les plus folles venaient de Tisville annonçant une mutinerie parmi les troupes qui gardaient Lumumba. On a annoncé que M. Patrice Lumumba avait été libéré et que le colonel Mobutu et le président Kasavubu, qui étaient venus discuter avec les mutins, avaient été arrêtés. Oui. Devant les multiples rumeurs qui circulaient, dont nous ne pouvions vérifier le fondement, une seule solution pour un journaliste, nous rendre sur place. Monsieur, alors quel jour êtes-vous parti pour Tisville? Nous sommes partis samedi matin à 7h du matin pour Tisville. Nous sommes arrivés vers 11h30. Vous voulez vous rappeler à nos auditeurs à combien de kilomètres se trouve Tisville de Léopoldville? Eh bien, Tisville est une petite bourgade d'une quinzaine de mille âmes, environ 150 kilomètres à l'ouest de Léopoldville, en plein pays bas-Congo, sur la route de Matadi. Alors, vous y êtes arrivé vendredi soir? Nous sommes arrivés, non, samedi matin, samedi matin. Nous sommes partis samedi matin, oui, à Léopoldville. Nous sommes arrivés samedi à 11h30 à Tisville. Alors, vous êtes allé directement au camp où est détenu le président Lumumba? Eh bien non, nous nous sommes immédiatement présentés à la direction de la Sûreté pour régulariser, oui, notre situation sur place. Le directeur congolais de la Sûreté a refusé de nous recevoir. Oui. Et puis nous sommes rendus après au commandement de l'ONU, car il y a 500 soldats marocains à Tisville. Oui. Et le capitaine marocain de l'ONU a refusé de nous recevoir, ou en tout cas il nous a fait dire qu'il n'était pas là. Et à ce moment, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien à ce moment-là, nous nous sommes mis en chasse, n'est-ce pas? Nous avons été au camp Hardy pour éventuellement être reçus par le colonel commandant le camp. Là, nous avons été refoulés. Et nous avons appris ce qui s'était passé exactement. En fait, une mutinerie a bien éclaté vendredi au camp Hardy parmi les 2500 soldats qui gardent Lumumba. Le motif de la rébellion a été le suivant. Il s'agissait de protester contre les soldes que les soldats estimaient trop faibles et aussi contre l'attitude, disait-il, insultante des femmes des officiers congolais à leur égard. Et alors cette mutinerie... Aussi bien au cours de la mutinerie, toutes les femmes, la plupart des femmes des officiers congolais ont été violées par les troupes. Et cette mutinerie a duré combien de temps? Eh bien, cette mutinerie a duré environ une journée. Aussitôt, le colonel Mobutu, le président Kasavubu et M. Bomboko, président du Conseil des commissaires généraux, se sont rendus à Tisville pour négocier avec les mutins. En fait, ils ont capitulé devant eux. Ils leur ont immédiatement augmenté leur solde, donné des primes. Et le comble, n'est-ce pas, c'est qu'ils ont accepté l'arrestation des officiers et ont décrété que tous les officiers qui avaient été arrêtés seraient mis à pied, seraient mis en congé pour 3 jours. Quand nous sommes arrivés à Tisville, il n'y avait plus un seul officier en activité dans le camp Hardy et toute la troupe était pratiquement aux mains, n'est-ce pas, des sous-officiers, des adjudants-chefs. Mais alors, samedi soir, en somme, on pouvait considérer qu'en ce qui concerne la mutinerie, les choses étaient rentrées dans l'ordre, mais comment étaient commandés ces soldats? Eh bien, écoutez, voilà, en fait, rapidement, cette mutinerie est tournée à la mutinerie politique. Une fraction des soldats qui se trouvaient au camp, un tiers environ, ayant pris parti pour Lumumba, estimant que seul Lumumba était capable de redresser la situation actuelle au Congo. Oui. En fait, autre fait important, des agitateurs lumumbistes venus certainement de la province orientale ces derniers temps avaient distribué des tracts dans la ville au cours de la nuit et la police, la sûreté, la gendarmerie congolaise étaient entièrement affolées car on n'avait pas pu découvrir qui avait distribué ces tracts. Ces tracts disaient « Soldats congolais, vos frères ont été tués au Kivu par la faute de Mobutu, on va vous envoyer à la mort, sauvez-vous en libérant Lumumba. » Oui, alors à quel moment l'incident qui vous concerne a-t-il éclaté? Eh bien écoutez, dans la nuit, à 1h du matin, nous dormions dans notre hôtel. Dans la nuit de samedi à dimanche. La sûreté est venue nous arrêter à l'hôtel, nous avons refusé d'obtempérer, j'ai exigé un mandat d'arrêt, les policiers n'étaient pas très sûrs d'eux-mêmes, je voulais moi faire le maximum de bruit pour que l'ONU soit alerté et vienne à la rescousse. En fait, les policiers sont partis et nous ont dit qu'on serait arrêté au petit matin. Je me suis rendormi avec mon camarade Toraval et une demi-heure plus tard, alors là, une trentaine de soldats congolais armés jusqu'aux dents de la police militaire arrivaient, exigeaient que nous ouvrions. Ils pénétraient dans l'hôtel, ils nous fouillaient de fond en comble, découvraient mon magnétophone qu'ils prenaient pour un poste émetteur. Ils nous passaient à la fouille entièrement, découvraient mes notes journalistiques sur lesquelles j'avais inscrit le nombre de soldats du camp Hardy et du contingent de l'ONU, ce qui immédiatement nous a fait qualifier d'espions. Un serveur de l'hôtel est venu témoigner qu'il avait entendu des signaux morts sortant de notre chambre et nous avons été immédiatement transférés au camp Sonankulu de la police militaire. Et cela dimanche matin? Comment? Dimanche matin, cela. Non, dimanche dans la nuit, n'est-ce pas? Dans la nuit de samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche? Dans la nuit de samedi à dimanche. C'est cela, oui. Alors là, il y a un incident intéressant, n'est-ce pas? C'est qu'au cours de notre transfert au camp de la police militaire, nous avons été arrêtés par un barrage de Marocains qui gardaient les carrefours de la ville. Je me suis précipité hors de ma voiture pour demander la protection de l'ONU. Le... refusé, n'est-ce pas, de s'occuper de ce problème. L'un d'entre eux a interdit que le convoi passe. Il a braqué sa mitraillette sur ma voiture. Les Congolais ont exigé que je passe devant et que je fonce. Si bien qu'à un moment donné, je me suis trouvé avec un soldat marocain me visant de sa mitraillette devant moi en criant « Arrêtez !» et 5 ou 6 policiers militaires congolais me criant « Avancez !» avec des mitraillettes derrière. Situation évidemment assez cocasse, si on peut dire. Oui, alors j'ai décidé tragique. D'avancer et finalement, les soldats congolais auxquels j'ai demandé de nouveau protection, les soldats marocains, pardon, auxquels j'ai demandé protection, ont une fois de plus refusé de s'occuper du problème et le convoi est passé. Nous avons été transférés au camp de la police. Et alors à ce moment-là, quand vous êtes arrivé au camp de la police, les choses se sont arrangées Pas du tout. Au contraire, nous avons à ce moment-là été interrogés pendant plus de 2 heures. Tout ce que nous pouvions dire se retournait contre nous. On nous accusait d'avoir été parachutés. J'avais, petit détail amusant, dans mon portefeuille, une carte du syndicat des journalistes GTFO, n'est-ce pas, Force Ouvrière, dont on m'a accusé évidemment d'être une carte marxiste, n'est-ce pas, en disant que j'avais été formé à Prague dans les syndicats communistes. J'avais dans ma poche un laissez-passer signé au mois de juillet dernier par M. Cachamoura, qui était alors ministre de l'Information. Évidemment, c'est un ordre de mission de Cachamoura, qui est le partisan de Lumumba au Kivu. Enfin, finalement, nous avons été mis à même le sol, insultés. On n'a pas été frappés à ce moment-là. Nous avons commencé à être bousculés simplement à l'aube, au matin, quand nous avons voulu aller sortir pour prendre un peu l'air du camp. Et nous avons été transférés le matin à Brazzaville pendant un voyage qui a duré 6 heures, où on nous a interdit de sortir de la voiture. Tout au long de la route, le chef de la sûreté de Guiseville expliquait aux populations que nous étions des espions communistes. Nous avons été insultés, les femmes crachaient sur notre passage. Tout le monde nous montrait du doigt, nous étions l'objet de l'intérêt général et de l'hostilité générale. Alors nous sommes arrivés à Léopoldville dimanche après-midi, vers 5 heures. Oui. Là, j'étais sûr que tout s'arrangerait, que notre bonne foi serait reconnue. Et j'avais dit à mes gardiens, vous verrez, quand nous serons arrivés à Léopoldville, on nous fera des excuses, on reconnaîtra que nous sommes des journalistes français qui avons accompli notre métier. En fait, nous avons été transférés à la sûreté immédiatement. Et là, le fait extraordinaire s'est produit, c'est que le directeur de la sûreté a donné foi, n'est-ce pas, aux présomptions qui pesaient contre nous. Et en présence de 4 touristes qui avaient été arrêtés quelques minutes plus tôt pour avoir photographié seulement les chutes du Congo et qui étaient agenouillés dans la cour sous la menace des armes, nous avons été littéralement passés à tabac et sous le regard bienveillant du directeur de la sûreté, M. Nendaka. Et nous avons été frappés à coups de crosse, à coups de pied, giflés à tour de bras, avant que le directeur de la sûreté dise à ses soldats, eh bien arrêtez, maintenant ça suffit comme ça. Et c'est dimanche en fin de journée que vous avez pu rejoindre Brazzaville? Non, pas du tout, car mon cher salarié, à suite nous avons été condamnés à être enfermés au secret à la prison centrale de Léopoldville, à Makala, comme on appelle cette prison. Nous avons été enfermés chez les détenus politiques, où on a retrouvé pas mal d'Européens, au moins 4 Belges qui étaient enfermés là, pour des motifs qu'ils ne connaissaient pas. Nous avons retrouvé un Portugais, nous avons appris qu'un Français avait été arrêté 3 semaines sans motif. Nous avons retrouvé de nombreux Africains qui étaient partisans de Lumumba, dont l'ancien commissaire central de Léopoldville arrêté la semaine dernière. Et là, la fraternité, évidemment, de toutes les prisons aidant, nous avons été très bien accueillis par les détenus. Nous n'avons pas été mis au secret, mais nous savions que nous étions condamnés, par des bruits qui avaient couru, à être maintenus en prison pendant 1 semaine. Mais l'alerte avait déjà été donnée, l'ONU commençait à bouger, et surtout l'ambassade de France prenait le mort aux dents et intervenait de tous côtés. Et hier matin, de très bonne heure, vers 9h du matin, l'ambassade de France a réussi à nous joindre à la prison. Nous avons été interrogés en présence d'un avocat et du consul de France. Et rapidement, 1 heure après, l'ordre d'expulsion est arrivé. Nous avons été reconduits manu militari au débarcadère. Et vous avez l'impression, d'après ce séjour malheureux que vous venez de faire au Congo ex-Belge, vous avez l'impression que dans cette atmosphère de fièvre qui y règne, que des arrestations arbitraires et que des accusations non fondées, justement, se répètent souvent et que beaucoup de personnes en sont victimes? Oh, absolument, absolument, salarié. De nombreux témoignages ont été donnés d'arrestations arbitraires. Il règne parmi l'armée congolaise et la sûreté congolaise, encore fidèle à Mobutu, une véritable panique, une chasse aux espions, une espionnite. Tout le monde est accusé d'espionnage dès qu'on n'est pas en règle. Cependant, je dois ajouter que je ne peux pas du tout généraliser de ce qui nous est arrivé quant au climat qui règne au Congo ex-Belge. Je dois vous dire que tout au long de notre mésaventure, de notre triste mésaventure, des Congolais, des élites congolaises, des cadres administratifs, des sous-officiers nous ont témoigné leur réprobation totale, n'est-ce pas, de l'attitude des militaires congolais, nous ont témoigné leur sympathie, leur hostilité à toute forme de racisme et de xénophobie comme il règne dans certaines bandes, n'est-ce pas, de l'armée congolaise qui ne sont plus soumises à aucune autorité. Et il est évident que beaucoup de Congolais cultivés, d'élites, de responsables, sentent bien que ce climat qui règne aujourd'hui au Congo-Léopoldville est un climat très dangereux pour eux-mêmes également, qu'il n'y a plus aucun respect de la liberté humaine et du droit des personnes, et que vraiment on ne sait plus du tout maintenant à quel sens jouer. Oui. Eh bien Jacques-Alexandre, au nom de tous les journalistes de France et de l'étranger qui se sont émus des sévices dont vous avez été victime, je vous félicite d'être rentré dans de bonnes conditions à Brazzaville et je vous remercie du récit que vous venez de nous faire. Eh bien mon cher Cédric, je vous remercie. En tout cas, vous pensez que pour un journaliste, c'était là une occasion unique, car si j'avais demandé à la sûreté congolaise d'aller visiter le camp de la gendarmerie, on m'aurait mis à la porte. Si j'avais demandé d'aller visiter la prison et le quartier des études politiques, on m'aurait bien entendu mis à la porte. Mais comme prisonnier, j'ai pu rentrer en toute liberté, j'ironise, à l'intérieur de ces endroits, et j'ai pu ainsi faire un reportage passionnant. Léopoldville connaît à nouveau des heures sombres, et de nombreux observateurs comparent aujourd'hui la capitale à un baril de poudre prêt à exploser. En effet, la garnison militaire de Léopoldville est au comble de la surexcitation et semble bien devoir échapper rapidement et totalement au contrôle de ses officiers si des mesures draconiennes ne sont pas prises par les autorités, si tant est qu'il existe encore dans ce pays des autorités susceptibles de justifier ce nom. L'annonce du raid éclair effectuée par les troupes lumumbistes sur l'Ulubourg, capitale de la province du Kasaï, où les soldats du général Mobutu semblent avoir fraternisé immédiatement avec les assaillants, les rumeurs selon lesquelles une autre colonne lumumbiste se serait emparée de Port Franqui, à mi-chemin entre l'Ulubourg et Léopoldville, et tenterait d'atteindre Kitkwit, à moins de 400 km à l'est de Léo, ont jeté le désarroi dans les rangs des soldats du général Mobutu, stationnés à Léopoldville et auxquels on avait proclamé il y a 8 jours à peine que l'offensive en direction de la province orientale, la chute de Stanleyville et l'arrestation de Gizenga n'étaient plus qu'une question d'heure. Fait plus grave encore, l'excitation des militaires congolais, faite autant d'inquiétude et de peur d'ailleurs que de colère, n'a fait que croître récemment à la suite de la véritable campagne d'intoxication à laquelle se sont livrées les plus hautes personnalités politiques congolaises contre les représentants et les forces des Nations Unies au Congo, qu'elles accusent à la fois de complicité avec les lumumbistes, de passivité devant les désordres et finalement de trahison à l'égard du gouvernement central congolais. Après l'ultimatum lancé il y a 2 jours aux autorités de l'ONU par M. Bolikango, vice-président du gouvernement Eléo, leur donnant 6 heures pour stopper et refouler l'invasion lumumbiste au Kasaï, ultimatum, il faut bien le dire, qui n'a été suivi d'aucune décision de part et d'autre, le président Kasavubu lui-même a adressé hier un appel solennel aux forces armées congolaises qui fut à nouveau l'occasion d'une violente attaque contre l'action des Nations Unies au Congo. Le président Kasavubu a donné 3 consignes à l'armée. Primo, défendre l'honneur et la souveraineté du pays. Secondo, défendre l'armée nationale. Tertio, chaque soldat devra défendre son arme. Il a annoncé enfin le déclenchement prochain d'une offensive contre les lumumbistes et a déclaré que chaque soldat devrait exécuter sa mission, au besoin, par la force. En fait, cet appel solennel du président Kasavubu, interprété par tous les observateurs comme une nouvelle et sévère menace aux forces de l'ONU pour le cas où elle recevrait l'ordre de procéder au désarmement de l'armée congolaise, risque fort d'ajouter à l'anxiété, à l'excitation et à la colère des soldats du général Mobutu. Or, ceux-ci sont déjà actuellement, nous l'avons dit, au comble de l'excitation. Et de graves incidents ont éclaté à Léopoldville depuis 24 heures, dont le renouvellement risque de mettre le feu aux poudres. Une jeune secrétaire de l'ONU a été violée, 4 militaires canadiens ont été sauvagement frappés, 12 soldats tunisiens en patrouille ont été désarmés et frappés, puis enfermés sous la menace d'être abattus. Hier, un peu partout, les militaires congolais le doigt sur la gâchette sillonnaient la ville, ressemblant à nouveau plus à de grandes compagnies qu'à une troupe organisée et disciplinée. Les forces de l'ONU sont en état d'alerte et leur commandant en chef, le général irlandais McKeown, a adressé au président Joseph Kasavubu une note rédigée en termes d'une rare sévérité, s'élevant, je cite, « contre le comportement bestial de la soldatesque congolaise » et déclarant que l'ONU empêchera, si besoin est par la force des armes, le renouvellement de telles violences. À Léopoldville donc, la peur a surgi à nouveau. Hier soir, dès la tombée de la nuit, les rues se sont vidées. Et pour la première fois depuis de longs mois, les terrasses des cafés sur le grand boulevard Albert Ier étaient absolument désertes. Tous les Belges interrogés comparaient avec inquiétude l'ambiance de la ville à celle du mois de juillet dernier et projetaient déjà d'évacuer femmes et enfants sur Brazzaville. Au QG de l'ONU, par contre, toutes les personnalités interrogées se déclaraient prêtes à l'épreuve de force et fermement décidées à empêcher le renouvellement de violences contre le personnel des Nations Unies. La parole est maintenant aux militaires, entendait-on. De fait, de multiples patrouilles de soldats tunisiens et malais sillonnaient la ville en tous sens et une colonne motorisée de soldats tunisiens, forte de plus de 100 hommes, fusils mitrailleurs en batterie sur le capot des véhicules, a parcouru les rues des cités africaines désertes dès les premières heures de la nuit. Les instructions données au personnel civil de l'ONU ont été les suivantes: ne plus sortir après la tombée du jour, se munir de 4 jours de vivres. Les soldats congolais, quant à eux, se sont retranchés dans leurs camps respectifs et sont restés invisibles durant toute la nuit. Voilà, on en est là. Dans une telle atmosphère, un rien peut déclencher une dramatique épreuve de force et tous les observateurs sont unanimes dans leur pessimisme. Un fait est certain, si les officiers congolais ne parviennent pas dans les prochaines heures à reprendre le contrôle de leurs troupes, une nouvelle vague de terreur risque de déferler sur le Congo. Au moment même où le Conseil de sécurité vient de donner à M. H. des moyens accrus pour empêcher toute aggravation de la situation et l'a formellement autorisé à recourir à la force en dernière extrémité, il n'est point besoin de souligner combien grave est la situation en ce point névralgique du monde.